Je connais cette théorie. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Nom de Dieu! Ça dirait de grandir. Hein. On est pas bien là? Ça dirait de grandir. Tu descends les coussins d'huile? Bonjour à tous! Depuis notre dernier épisode sur les blockbusters, c'était quand déjà? En l'an de grâce 2018, il me semble. En juillet 2018, effectivement, il s'est passé 2-3 petits trucs, je crois. Résumons rapidement, si vous le voulez bien. Alors, la France a gagné la Coupe du Monde de foot. Ouais, j'avais commencé cette intro il y a longtemps. Et en fait, c'était vraiment juste après notre dernier épisode, donc ça compte en vrai. Les gilets jaunes et les manifs contre les retraites ont réussi à exproprier la bourgeoisie. Pas du tout. Mais et ben tiens, d'ailleurs, on a même eu le droit à des élections en France et aux États-Unis. Voilà, c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. De quoi, Bastien? T'as pas oublié un petit truc? Ok. Ouais, c'est vrai. Ouais. Sur un point plus perso, votre serviteur est parti à l'autre bout du monde. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que la contrebande est restée en pause un peu longtemps. Ah, ça fait une bonne excuse, quoi. Ça fait une bonne excuse. Mais c'est bon, il me fait encore des signes, Bastien. Tu veux faire un 3 à ma place, c'est ça? La pandémie, bien sûr. C'est vrai qu'il y a eu ça aussi. Bon, bref. De grippe Non, mais plus sérieusement, c'est peut-être un peu tard pour revenir là-dessus, mais le monde du cinéma, des séries, du jeu vidéo, etc., ça a bien évolué au cours des 5 dernières années. Ça fait bizarre de dire des 5 dernières années avec... C'est vraiment fait blipper après un claquement de doigts. Oui, c'est ouais, vrai. Ouais, un peu de ça. Je ne m'attendais pas à cette ref, mais il s'est passé ça aussi depuis le dernier podcast. On a mûri, c'est vrai. Qu'on va aborder ce podcast beaucoup plus sereinement. Exactement, ouais. C'est vrai qu'on revient changer. Mais on aura sûrement l'occasion d'en parler parce que c'est depuis un peu plus récemment qu'on commence vraiment à ressentir les mutations et les effets de la pandémie dans tous les domaines de l'économie. Voilà, on sent c'est la maturité. Ce genre de podcast. Ouais, exactement. Rien qu'essayer de suivre ne serait-ce qu'une partie des grosses sorties des plateformes de streaming, par exemple, pourrait nous occuper à temps plein. Mais avant de vous faire comprendre un peu trop vite que je suis devenu un gros boomer, je voudrais vous parler de l'équipe de contrebandiers qui m'entoure pour cette reprise. Aïe, aïe, aïe. Et avec qui on parlera rapidement, vous inquiétez pas, du projet pour ce soft reboot de la contrebande. C'est le titre de l'épisode soft officiel. Soft reboot. Parce que quand il s'agit de reprendre du service, c'est pas moi qui suis allé dans une paillote dans une île au fin fond de l'Indonésie. C'est comme un peu dans James Bond quand ils vont chercher le gars qui doit reprendre du service et tout. Non, c'est Bastien qui a fait ça. Ouais. C'est le Nick Fury du podcast qui n'a jamais eu de cesse de garder les fiches contacts à jour. Dans le petit Rolodex là, le truc qui tourne sur voilà. Nous avec et ben, bonjour Bastien. Bonjour Willem. Et merci de reprendre ce flambeau. Je suis ravi d'être là et qu'on remette le couvert. On va s'éclater. Exactement. Ça va être très bien. Et puis pour nous accompagner dans cette reprise, on a des petits nouveaux. Un contrebandier que Bastien est allé chercher au fin fond. Alors j'avais noté au fin fond d'une taverne à Tijuana. C'était pas à Tijuana. C'était dans le nord de la France, peut-être. C'est ça, dans le nord Pas-de-Calais de Tijuana. Ouais, voilà. Et bien, c'est Guillaume Renaud, bonjour. Bonjour, bonjour. J'aime bien te présenter avec ton prénom et ton nom de famille, ça fait un peu. Oui, voilà. C'est l'intervenant. Vous pouvez m'appeler Grenot, il y a plein de gens qui m'appellent Grenot, c'est mon surnom officiel. Et bien, Grenot, ce sera Grenot. Grenot. Grenot, ouais. Attention, fait, comme fait, une fait. Grenouille. Exactement, comme un grumeau, peut-être. On est censé avoir mûri, Willem, c'est ce qu'on a dit au début. Donc ce rire vous laisse penser ce qu'il en est. Et puis on a aussi Agathe avec nous. Bonsoir Agathe. Bonsoir. Bonsoir. Une intervenante aussi que Bastien est allé chercher aussi, hein, quelque part, dans une certaine mesure. J'ai pas de vanne. Vraiment, je sais pas où tu vas aller. Moi j'ai rien là. J'ai rien du tout. Et ben, en tout cas, je suis très content qu'on soit tous ensemble. Est-ce que t'es contente d'être là, Agathe? Je suis ravie. Ravie. Ravie. Super. Alors, je vous rassure. Hein, si jamais les gens qui nous écoutent étaient inquiets, oui, éventuellement, peut-être un jour, pour ce retour tout en humilité, ne vous inquiétez pas, on est en plus petit comité, on est avec des nouveaux gens, mais la contrebande, ça a toujours été l'idée d'avoir une équipe avec des membres qui vont, qui viennent et qui viennent de parler ciné avec nous, entre autres. Et on espère vous faire découvrir de nouvelles voies autour d'une nouvelle formule qu'on va essayer d'être plus structurée. On va essayer en tout cas, ouais. On va essayer. C'est un peu l'ambition, la saison de la maturité. Et on va dire que ce sera voilà, un peu plus structuré que ce qu'on pourrait appeler la première saison. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et au problème de ce nouvel épisode. Ouais, j'ai complètement savonné. Au programme de ce nouvel épisode, donc, des chroniques, des jeux. Et un peu de news. Oh, mais parce William, que ce serait pas un beau programme là, que tu nous proposes. On va s'éclater. Exactement. Histoire de se remettre dans le bain. Parce qu'après tout, on est encore pas très loin de la rentrée. Donc, c'est un peu la rentrée pour tout le monde. Voilà. Je vous propose, sans un peu transition, de passer un peu aux news. Et la première news, bah, en fait, j'ai voulu tout simplement parler du retour de la contrebande. Non, mais l'idée, voilà, c'était de parler rapidement un peu de la nouvelle formule un peu qu'on compte faire. Bastien. Oui. La nouvelle formule, du coup, plus ramassée, plus, comme tu l'as dit, plus construite, avec des vraies rubriques, des séquences et surtout des gens qu'on espère réguliers, d'autres moins réguliers, des gens qui tournent et qu'on verra souvent. Et voilà, et on va essayer de tenir un rythme correct et essayer de vous divertir, d'arrêter de faire les petits péteux qui parlent de cinéma. Oui, après, moi j'ai toujours l'impression qu'on était toujours un peu sur la... oui, ou qu'on était toujours sur la brèche un peu entre essayer d'apprendre des trucs et de faire rire, quoi. Bon, on m'avait dit que ça allait être un podcast très sérieux. J'ai pris ma cravate, j'ai pris mon costume. Fin... Ah oui, vous avez pas vu, oui, parce que c'est, ça reste un podcast. Nous sommes à la oui, défense. Je ferai zéro van, je vous préviens tout de suite. Le mec, il ressente le débat à chaque fois. Je comprends pas, pourquoi tu me blagues. Non, mais voilà, on va essayer d'être régulier, de faire du coup peut-être un peu plus court qu'avant. On va essayer. On aimerait. Voilà. On aimerait et puis, bien. Ça n'empêchera pas de faire des trucs un peu spéciaux comme on avait fait, juste par un épisode sur deux, peut-être. Et puis voilà. Et je pense qu'on reviendra pour l'instant mensuellement. Et puis. C'est l'objectif. Après, est-ce qu'on va le tenir? Ça nous le dira. Déjà, on a réussi à tout rebrancher comme avant. Déjà, c'est un miracle que tout fonctionne. Pas mal. Parce qu'on partait pas gagnant sur l'affaire quand même. Exactement. Mais tout fonctionne. Oui, oui, on s'entend. C'est magnifique. J'entends ta voix suave, c'était un bonheur. A priori, ça enregistre. Tout va bien. Voilà, puis j'avais noté des propositions dans le sens où si jamais les gens qui nous écoutent ont des propositions. Des propositions de choses qu'ils voudraient entendre. Je veux plus faire chier. On est à leur avant, service. Ils faisaient l'effort et préparaient des trucs et tout. Maintenant, ils disent non, faites des choses et on les inclura ou pas. On verra, quoi. Débrouillez-vous. C'est ça. Oui, bah oui, parce que c'est ça l'idée. Surtout, la chose qui change, c'est qu'on avait, en fait, avec Bastien, on s'était dit, dans l'émission, qu'on avait fait en attendant les tuches. Ça a planté la graine où en fait on avait demandé aux gens d'écrire des petits trucs et ils avaient fait un peu des chroniques un peu sur les différents. J'avais fait l'effet Mandela. T'avais fait sur l'effet Mandela exactement. Cambi avait fait sur Donald Glover. Sur Donald Glover et Atlanta et tout. Ouais. Donc voilà, donc l'idée c'est un peu de repartir un peu là-dedans, c'est-à-dire de faire des chroniques avec les gens qui interviendront parleront un peu de ce qu'ils veulent. Et puis on réagira dessus et voilà et ça fera des belles émissions. Ouais, c'est vrai. Tout simplement, voilà. Sans transition, puisque ça pour le coup, je n'ai pas encore bossé. Ça pour le coup, voilà, ce sera pour vous. Oui, on voulait du coup reprendre un peu ça fait un peu bizarre après 5 ans de dire allez parlons de l'actu maintenant. Mais voilà, moi les quelques petits trucs que j'avais notés un peu dans l'immédiat, c'est la grosse news, on va dire, une de ces grosses news de cette année qui a commencé en mai, c'est la grève des scénaristes américains qui dure depuis mai. Et donc là, voilà, on vient d'avoir encore une news comme quoi Warner Television suspendait les contrats avec des gros noms de la série télé comme Bill Lawrence, Chuck Lorre, ouais, et J.J. Abrams avec les contrats avec Bad Robot. Donc voilà, donc ça continue lourd. C'est fou parce que c'est quand même un bras de fer assez énorme quand même qui joue et les mecs ne lâchent pas. C'est exactement, dingue. Ouais, c'est quand même un truc assez. Parce que ça commence à faire quelques mois que la grève dure et elle tient et les studios n'ont aucune envie de faiblir. Donc je suis curieux de voir où va aller tout ça. Et est-ce que quelqu'un est chaud pour expliquer pourquoi ils font grève? Dans l'idée, c'est quelque chose qui est surtout lié, qui a commencé avec les scénaristes, si je dis pas de bêtises, oui, c'est d'abord ça, les scénaristes, ouais. Par rapport à la rémunération suite à l'apparition des IA, des Intelligent Artificial, et surtout les royalties par rapport aux diffusions sur les plateformes, style Netflix, Prime Video et tout ça. Il se trouve c'est un peu les deux qui arrivent un peu de consort. C'est ça. Il se trouve que les chiffres sont assez transparents et que du coup, une fois qu'un film Netflix ou une série est sorti, l'acteur ne touche, ou l'acteur, enfin le scénariste, même les participants ne touchent aucun argent supplémentaire si la série est un succès ou non. C'est ce qui est la première cause de la colère, déjà, parce que bon, ils savent que des choses cartonnent et voilà, ce serait intéressant qu'ils aient une petite part du gâteau quand même. Parce qu'il y a, je sais plus quels sont les chiffres exactement, je vais dire n'importe quoi, donc je vais rien dire. Mais il me semble que la majorité des figurants, je crois qu'il y a, il y a pas mal d'acteurs hollywoodiens qui n'ont pas assez d'argent pour avoir une assurance maladie. Je crois qu'ils ne gagnent pas assez d'argent, il y a un truc comme ça. Et je saurais pas dire exactement. Enfin voilà. Mais enfin du coup, il y a un gros problème de rémunération. Et du coup, il y a une demande qui est faite auprès des studios de réajuster tout ça, de bosser différemment, et surtout avec l'apparition des intelligences artificielles, de pas détruire leur travail en fonctionnant automatiquement comme un costard cravate voudrait bien le faire, juste avec une intelligence artificielle. Bah oui, parce que c'est ça qui est marrant, c'est que c'est un peu le dream pour les producteurs américains, c'est de dire attends, il y a un truc où tu lui écris. Tu lui dis, donne-moi un scénario ou donne-moi une situation de départ, machin, genre un pitch, quoi, globalement. Et il te le sort en 5 secondes. Et moi, je paye des gens pour faire ça depuis super longtemps. Donc, c'est le rêve. Et voilà. Et surtout, c'est assez cohérent, finalement, avec le fonctionnement hollywoodien actuel qui fait que, qui ne fonctionne plus vraiment sur l'artistique, mais sur la génération de profit. Et du coup, c'est déjà quelque chose qui est en place depuis des années, en fait, ce fonctionnement vraiment très produit, vraiment, où les films ne sont plus que des produits. Et c'est que la continuité, pardon, logique de ce système-là. Et qui, du coup, va ne faire qu'évoluer. Et risque de créer de gros problèmes dans les années à venir s'il n'est pas légiféré. Et j'avais vu un truc qui passait comme quoi sur la version américaine de Netflix, il y avait une section créateur qui avait été créée et qui en fait mettait tout dedans, tous les noms dedans pour une série, tu vois, qui mettait le réalisateur, les scénaristes, le producteur. Et en fait, ça mettait tout dans le truc, genre créateur de la série, voilà. Et t'avais pas le détail et tout. Okay. Et en fait, les mecs disaient, mais ça, c'est pour que ça préparait le terrain pour ne mettre que, par exemple, le producteur de la série. Et puisque le scénariste aurait été fait par IA, le réalisateur, peut-être, on sait pas, dans leur plan, peut-être que ne serait plus considéré comme un créateur, tu vois, et non, serait juste un technicien comme un autre, enfin comme tu notes pas le mec du son, bah tu ne mets pas le réalisateur, tu vois, enfin. Et donc voilà, donc bref, en tout cas la grève continue, ça prend de l'ampleur parce que c'est vrai qu'il y avait déjà eu une grève en 2000 et des brouettes. Non, 2009. J'allais dire 2008, tu vois, 2008, mais ouais, du coup mais ça doit être ça. Ah, Quantum of Solace. Non, mais oui, mais c'est drôle parce que en fait on se rappelle encore des séries et tout où il y avait eu cette grève et tout ça, enfin ça avait été un vrai gros truc, quoi. Ouais. Et là en fait, c'est en train de prendre une ampleur. T'étais bien, t'étais bien. Je me perds mon français. Qui compensait pas aussi énorme parce qu'on se disait justement il y avait cette espèce de marqueur de la grève des scénaristes de 2008 et ou 9 où on pensait, enfin vous savez, vraiment mis à l'arrêt beaucoup de trucs genre Lost, enfin les grosses séries de l'époque où d'un coup il y a eu soit des épisodes amputés, soit des scénarios qui ne tenaient plus la route, des saisons qui faisaient 10 épisodes au lieu de 26. Je crois que c'est la saison 4 de Lost, il y a eu 12 épisodes contre 22 les saisons d'avant, et c'est ouf. Et là en vrai ça va vraiment impacter les prochains trucs qui vont sortir, des trucs qui sont repoussés, des trucs qui sont annulés et tout, enfin donc voilà, si on n'a pas plus à ajouter, je propose qu'on passe à autre chose, hein, bien sûr. Sans transition, ça va être le nom de l'épisode, sans transition. je voulais parler un petit peu de la Mostra de Venise. C'est un beau festival, en vrai. Pour le coup, j'avais une transition en lien avec le festival. On apprend d'ailleurs, c'était le seul où j'avais une vraie transition. C'est vrai? Non, mais je voulais juste dire que c'était, enfin là, on est vraiment sur un truc où t'avais vraiment beaucoup de réels, qui présentaient des, enfin, t'avais David Fincher, Michael Mann, William Friedkin, Wes Anderson aussi qui présentait encore un film. Encore? Il présentait encore un film. Et, Yorgos Lanthimos, des Italiens, Solima, Matteo Garonne, enfin bref, c'est ouf, quoi. Des grands monsieur. Ouais, non, mais je sais pas, moi, pour une fois, ça m'avait attiré l'œil, en vrai. Et puis le Fincher aussi, moi, ça me fait bien. Bah ouais, Fincher. Bien, ça, le Fincher, Mais qui va être que sur Netflix, c'est ça? Que sur Netflix, il y aura peut-être quelques projos exclusives dans certaines villes de France. Festival Lumière, c'est pas prononcé encore, c'est possible qu'il y ait une projo, je crois, mais rien n'est sûr. Et peut-être le Christine Cinema Club, qui a l'habitude de faire ça dans Paris aussi. ce genre de projo. Et je sais qu'il y a une projection à la Cinémathèque, mais qui est réservée aux abonnés, spécifiquement, qui sont tirés au sort, avec une masterclass de Fincher, et il y a toute une autre perspective de la carte de Fincher et tout ça. Ah oui, un gros event début octobre, ouais. J'en connais qui se sont abonnés à la Cinémathèque uniquement pour ça. Je vois absolument pas de qui tu parles. Je sais pas de qui tu parles. Vraiment, ça n'a aucun sens. Je m'en vais. Un ami du show ou c'est toi ? Je suis parti. Non, mais oui. Non, mais sinon, j'avais noté qu'on avait appris, c'est plus une plus petite news, effectivement, vous me disiez avant l'émission que c'était plus un fun fact qu'autre chose. Mais que du coup, il y avait le film de William Friedkin au festival. Et que. Qui est décédé. Effectivement, qui est décédé cet été. Et qui, du coup, justement, comme il était malade, qui a été, en fait, sur son dernier film, on a appris que c'était ce bon vieux Guillermo del Toro, qui l'avait assisté sur son film, genre en mode. Coréal, quoi. Ouais, c'est pas mal, hein, comme enfin, Coréal, mais je sais même pas si. Je pense réalisateur qu'il sera... seconde équipe. Oui, voilà, j'imagine. Non, mais c'est ça qui est ouf, tu sais, tu dis. Ouais, c'est dans le générique. Je savais pas cette info, je suis curieux de voir. Bah oui, c'est la productrice, je crois, qui l'a dit en disant bah en fait, c'était Guillermo del Toro et que c'était à la demande de Friedkin en fait. Qui a dit, sympa. Ouais. Sinon, mini news qui m'a fait marrer quand je cherchais les news parce que pile au moment où je cherchais, ce truc là est tombé que le titre Barbenheimer a été déposé. Et je me disais en termes de phénomène et de news un peu de l'été, au final, Oppenheimer, Barbie, voilà. Ça a été voir que vraiment, il y a eu... Un vrai grand succès. Et tu vois maintenant que les studios essaient de reproduire ce truc-là. J'ai vu des tweets passer de gens qui disaient « Ouais, il y a Le Roi Lion 2 et je sais plus quel film qui sort en même temps. » Et ils essaient de trouver des noms un peu comme ça pour faire genre « Ouais, on essaie de reproduire le truc ou pas ?» Le truc un peu cringe, tu sais, genre toujours des studios qui reprennent un truc d'Internet de « Quoi Koubé ?» Ouais. Pardon. Oh là là. Vous avez entendu? Ça vient de mourir, cette expression, quand Bastien l'a dit. Voilà, c'est fini, vous pouvez arrêter. Elle est morte très loin, l'expression. Non, mais voilà, du coup, je comptais vous demander si vous étiez allé voir les films, bien sûr. Les Barbenheimer, vous êtes allé les voir, ouais. Les deux. Ouais, j'ai vu les deux, ouais. Vous avez commencé par quoi, vous? Barbie. Ok. Après, est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est assez une volonté de vraiment de. D'accord. Non, c'est dans l'ordre du truc, donc Barbenheimer. Ouais. Non, du tout, ça s'est fait comme ça parce qu'en fait, avec Agathe, pour le coup, on devait aller voir le film en Belgique. Ah, mais vous connaissez? Ouais. Non, faut pas le dire. On a été voir le film en Belgique pour le voir au format IMAX, le format voulu par. Barbie? Non, bah non. Oppenheimer. Barbie géante. Et bref, on avait été le voir plus tardivement, donc on a commencé par aller voir Barbie, mais c'est inintéressant ce que je vous raconte là. Donc, on peut enchaîner. Non, bien sûr, avec plaisir. Non, mais écoute, je t'en prie, tu voulais nous parler. Alors, effectivement. Il paraît que tu m'as dit, quand je t'ai demandé ce que tu faisais comme chronique, tu m'as dit, j'ai fait un truc sur Charles Pasqua. Oh là là. Je vais vous expliquer ça de suite. Oui, effectivement, Willem. Petite chronique, on s'est dit, tiens, c'est le renouveau, on a mûri, donc on va essayer maintenant de développer un petit peu nos pensées et d'aller un petit peu plus loin. Et donc, de parler de sujets... De sujets d'actualité. de sujets brûlants. De parler de sujets boomers, on veut vieillir notre audience. Mais oui. Parlons de Charles Pasqua. Est-ce que vous connaissez Charles Pasqua? Alors pour ceux qui ont grandi avec les guignols, et je sais qu'il y en a ici, c'est une évidence. Pour les autres, cet ancien ministre de l'Intérieur au fort accent a su marquer le monde politique par ses différentes frasques judiciaires. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Ici, nous allons parler IMAX. Enfin, presque. Alors qu'il est président des Hauts-de-Seine, Charles Pasqua s'associe avec le promoteur immobilier Christian Pellerin pour créer un musée de l'automobile à la Défense, afin de donner de la vie à ce quartier d'affaires parisien un peu moribond, comme vous le savez. Musée de l'auto. Moribond. Mais le projet va de pair avec la plus grande salle IMAX de l'époque, qui sera abritée sous la fameuse colline de la Défense, construite pour l'occasion. Ainsi va naître au début des années 90 le Dôme IMAX. Alors, petit rappel très rapide sur l'IMAX, c'est à la base un format de pellicule permettant de projeter avec une qualité d'image bien supérieure à la normale sur des écrans géants afin de renforcer l'immersion, pour faire simple. Voilà, en gros c'est pour renforcer l'immersion, quoi, tu sois à fond dans le film. Dans l'idée c'est des gros écrans et des grosses caméras. Il est aujourd'hui très à la mode et de plus en plus de multiplex en équipe devenant même un argument de vente pour les films de Christopher Nolan notamment. Mais à l'époque, l'IMAX c'est surtout des documentaires ou des concerts, mais peu d'exploitation de films. La particularité du Dôme est une forme sphérique immense de 1144 m² où prennent place 467 sièges inclinés à 35 degrés pour avoir une vision périphérique de l'écran. Le tout fonctionne à l'aide d'un projecteur Omnimax de près de 2 tonnes permettant de remplir cet écran qui englobe tous nos champs de vision. Donc c'est quand même une grosse batterie de machinerie, quoi. C'est quand même un joyeux bordel. ouais, un gros paquebot, quoi. Un gros paquebot. Alors, le succès est immédiat pour cette salle qui va émerveiller petits et grands, avec des documentaires impressionnants sur la montagne ou encore l'aviation. Et pendant une dizaine d'années, ce succès ne va pas se démentir, même si on ne peut pas dire la même chose du musée de l'automobile qui l'accompagne, qui fut un énorme bide. Après une suite de rachats et le manque de contenu IMAX à l'époque, la salle fermera définitivement ses portes au début des années 2000. Le groupe UGC, ayant des vues sur l'emplacement, finira par prendre sa place en créant un gros complexe de plusieurs salles à l'endroit même du Dôme. Le fameux UGC à Défense actuel, dont la plus grande salle, elle aussi dans le Dôme, est 10 fois plus petite que la salle IMAX. Ce qui est quand même une honte absolue. Vous y êtes déjà allé ou pas dans cette salle? La salle Omnimax? Non, mais la salle, ouais, la à l'UGC, la salle actuelle qui est dans le ouais, Dôme. Ouais, ouais. Tu sens qu'il y a beaucoup d'espace. Ouais, cette salle. C'est trop bizarre parce que, on dirait que même pour y accéder, tu rentres dans un... En fait, tu sais, tu montes un escalier, mais tu sais, comme un échafaudage, ouais, limite. Mmh. Et tu... Enfin, ouais, tu vois que c'est... Ils ont fait une petite salle dans un truc immense, bah, quoi. C'est ça. Et c'est trop bizarre. C'est ouais, ça. C'est, Mais en même temps, il fallait pas en attendre moins d'un groupe qui, en 2009, lors de la sortie d'Avatar, a refusé de s'équiper en projecteur numérique, pestant que ça fonctionnerait jamais, perdant ainsi une grande partie de spectateurs, et alors que maintenant, 100% des salles sont en numérique, y compris chez UGC. On te reconnaît bien là, tiens. Voilà, non, c'est important de remettre l'église au centre du village. Bref, pendant 10 ans, cette salle a su apporter un peu de magie dans un quartier d'affaires peu enclin à la féerie, et que sa dernière projection soit celle du Disney Fantasia 2000 le 24 décembre au soir, participe à donner une saveur et une ironie particulière à ce cinéma. Restent les souvenirs, souvenirs ayant marqué toute une génération de spectateurs. Il y a notamment cette anecdote d'une femme enceinte de plus de 8 mois, qui était venue voir un documentaire sur l'espace avec son fils pour, je cite, « profiter avant l'arrivée du bébé ». Elle avait vraiment signature du médecin et tout, qui avait validé le truc. Et qui s'est retrouvée accouchée dans la salle IMAX, sûrement submergée par cette expérience unique. Waouh. Ouais, c'est vraiment les légendes, tu sais, qui sont racontées. Non, c'est il paraît vrai qu'il y a une femme qui a accouché tellement. Elle est... C'est un vrai truc, je me crois. Moi, je connais quelqu'un qui est mort pendant Kirikou. Bref. vraie histoire, hein. Bref, c'est vrai. Hein. Ouais, un papy. Non, alors, fête du cinéma, il est mort. Bref. Bref, aujourd'hui, les quelques cinémas Omnimax existants, la Géode, construite en 1985 ou encore le Futuroscope, ne diffusent pas de films de circuit traditionnel. Et j'avoue personnellement me languir de tester certains films récents dans une salle de ce type. Si les complexes Gaumont-Pathé qui ont senti le filon en investissant à fond sur l'IMAX et en développant de plus en plus de salles de qualité variable, c'est vrai, m'entendent, je serais prêt à faire quelques kilomètres pour découvrir cette expérience de la plus belle des manières. En conclusion, et j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais merci à Charles Pasqua d'avoir su pendant quelques années insuffler un peu de magie dans un quartier d'affaires visiblement pas prêt. Ça pardonne partout, certes, mais t'as au moins ce mérite-là. Bravo. Donc cette quoi. Wow. Merci Bastien, c'était super. J'espère que ça. Est-ce que vous connaissiez cette salle? Vous avez déjà entendu parler de cette salle? Non, je digère d'abord le merci Charles Pasqua. Moi je l'apprécie un peu plus depuis ta chronique. Ouais, j'avoue. Non, ça va mieux. C'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est peut-être un truc qu'il a fait bien. Ça il dirait faut terroriser le temps. L'accent est terrible. Ouais, l'accent est idiome. Non mais j'avoue que je ne savais pas qu'elle avait cette histoire-là, la salle de la Défense. C'est une vraie belle salle IMAX, ouais. Vraiment, qui était un peu comme la Géode, quoi. Vraiment, qui était un très grand écran. Mais c'est vrai que quand tu réfléchis, il est immense, le dôme qui est en haut de... Ouais. En fait, limite, t'as l'impression que le ciné, il est construit dedans, quoi. Ouais. Et quand tu le vois de l'extérieur, je veux dire. Mais ça me fait penser que, du coup, cette histoire... C'est qu'en fait, c'était IMAX officiellement, en fait, qui projetait les films, ce que tu disais. Oui, tout à fait. Mais du coup... Parce que moi, il était question que... Je vais arriver à la faire, cette phrase. Ne m'inquiétez pas, bougez pas, restez avec nous. Il était question que Gaumont-Pathé rachète la Géode. Ah ouais? La Géode de la Villette. Ça avait été... Ok. Et ça se trouve, je suis en train de révéler des gros bails. En tout cas, il y a 4 ans, quand je travaillais chez Gaumont-Pathé, il était question. C'était dans les tuyaux. Et du coup, pour en faire une salle de circuit traditionnel, quoi, d'exploitation traditionnelle. Et pour en faire un cinéma IMAX. Oh, ça serait fou. Parce que la Géode est un écran énorme qui est utilisé vraiment Pas très peu de son potentiel, quoi. Mais oui, mais alors, en fait, justement, bon, c'est pour ça que je sais pas où ça en est, cette histoire, mais en tout cas, à l'époque, quand j'avais parlé avec des gens de la Géode, qui travaillaient à la Géode, ils nous avaient expliqué que la Géode faisait partie d'un réseau de salles mondial qui, du coup, c'était les cinémas, un réseau de salles de cinéma panoramique. Et qu'en fait, c'est un vrai réseau qui diffuse des films exprès et qui ont un réseau d'exploitation où ils se connaissent tous, ils se font des conventions, avec les Canadiens, les Chinois, enfin, tu vois, non, mais qui ont tous là où il y a des cinémas panoramiques dans le monde, quoi. Ouais. Et, Pourquoi tu ris? Non, t'as fait une liste très exhaustive de tous les participants. Et bref, oui, du coup, ça m'a coupé la chic dans cette histoire. Mais oui, il était question que Gaumont Pathé en fasse une grande salle IMAX. Et la dame de la Géote qui travaillait me disait que, en fait, ça serait pas vraiment une bonne nouvelle parce que, justement, ce truc de réseau de cinéma panoramique, en fait, comme les films ne peuvent être diffusés que là-bas, et que IMAX en fait impose un quota de films IMAX à passer, enfin c'est un contrat publicitaire un peu. Ouais, tout à fait. Et encore plus, je pense, j'imagine quand t'es dans une grosse salle comme ça. Parce que pour le coup, le format Omnimax est un format encore plus grand que l'IMAX standard. Ouais, voilà. Et ça donc, ça occupe toute ta vision périphérique. Oui, quoi. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le truc un peu. C'est vraiment un dôme. Quoi, pour le oui, coup. Voilà, ouais. Et oui, il y a beaucoup moins de films effectivement. Oui, il y a beaucoup moins de films, mais du coup, j'imagine que quand tu commences à t'estampiller IMAX, bah c'est IMAX qui va imposer les films qu'il y a dedans. C'est à peu près ça, ouais. Il n'y aurait très plus bien la possibilité d'aller voir un film avec des ours polaires et des alpinistes. Ouais. Voilà. J'ai ce souvenir-là de la Géode. Voilà. Ouais. Mais oui, mais c'est ça. C'est, ou les trucs de fond marin aussi. Ouais. C'est impressionnant. Je me souviens d'être allé voir un film qui se passait dans les Alpes, je crois, avec la musique de Shrek derrière. Wow, je me souviens pendant le film. Qui nous a quittés, le chanteur nous a quittés d'ailleurs il y a 3 jours de non. Smash Mouth. Si. Ouais. Ouais. Merde. Bon, bah, et combien voilà. 59 RIP. Non, 50 avant. Ah oui, ouais, 56 ans, un truc comme ça. Mais j'ai un souvenir vraiment d'entendre la mélodie de Shrek. Belle au bal. Mais la musique de. Ouais, la musique, vraiment, la bande originale, c'est qui déjà okay. Tu sais ou pas c'était... C'est pas John Powell. Powell. On a tous les deux le même. Mais non, c'est pas lui. J'ai pas internet. Je ne sais pas. Bref, voilà, j'ai ce souvenir. Il s'est retourné pour checker Google. Ok. Voilà. Bon. La musique de Shrek. J'essaie de me la chanter dans la tête, mais. Avec un mec comme ça qui grimpe une montagne comme ça, voilà, à 180 degrés. Enfin, magnifique. Merveilleux. Superbe. J'ai envie de mater Shrek. Allez, on arrête tout, on va mater on Shrek. Arrête tout, on arrête allez, Shrek. Ciao, 30 minutes de podcast, c'est largement suffisant. Allez, ciao. Ciao. Est-ce que pour se détendre de cette chaleur extrême qui nous assaille dans cette cave, vous seriez c'est super glauque. Partant. Oui, bah oui. Oui, parce qu'en réalité, on est en plein hiver, c'est juste qu'on s'est chauffé un peu avant, même c'est ça. Exactement. C'est faux. C'est vrai. Non, mais ça, oui, ça serait drôle qu'on soit en hiver et qu'on parle de trucs datés. Oui. Genre, comme si on n'avait jamais fait ça avant. On va pas dire il fait chaud, dis donc. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais je vous propose d'enchaîner avec un petit jeu tranquillou. Voilà, un petit Leonard Maltin Game. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là, ça me rappelle des souvenirs. Alors, qu'est-ce que c'est le Leonard Maltin Game? Alors, effectivement, on en avait déjà fait un, mais je pense qu'il est important de rappeler les règles. Tout simplement, donc c'est un jeu que j'ai pris, que j'ai copié. J'essaie de chercher le. Il osait pas. J'ai cherché un terme poli pour dire ça. Plagier peut-être, non? Plagier, voilà, c'est ça le mot c'est plagiat. Le terme juridique c'est plagiat. Quand les avocats seront là, enfin bref. Exactement. Et non, du podcast Any Given Film, qui a toujours été une grande inspiration et qu'on embrasse, voilà. Bref. Qui jouait à ce jeu du Leonard Maltin Game. Donc Leonard Maltin, c'est un critique de cinéma qui a très prolifique et qui a recueilli toutes ses critiques et dans une sorte de guide, enfin littéralement un guide qui s'appelait les Movie Guides, qui sortait tous les ans et qui actuellement maintenant tient un podcast. Les guides n'existent plus, mais en fait en gros c'est des guides qui se présentent sous forme de comme un dico quoi, en gros où t'as tous les films rangés par ordre alphabétique et avec une le casting, un mini résumé et une petite critique du film. Et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que c'est marrant parce que effectivement, comme dans les bouquins, il y a plus de 10 000 entrées, on peut faire, ça nous fait une bonne base de données en fait. Et donc le principe du jeu, c'est que je vais vous donner la critique de Leonard Maltin, éventuellement sa note si je suis sympa. Et comme ces critiques sont généralement assez lapidaires, elles sont assez bien senties. Voilà, vous allez devoir deviner le titre du film. Bien sûr. Mais du coup, elles deviennent un peu obscures même. Ce qui oui, exactement. Exactement, parce que en fait, moi, je vais vous donner la critique, et puis après, le principe, c'est que vous allez me proposer une enchère. Chaque personne va devoir donner un nombre. La personne qui donne le plus petit nombre commence, okay. Et je lui ai donné un nom du casting. Oh, okay. Il dit 1, je lui donne un nom du casting en partant du bas de la liste. Oui, ok. Et voilà. Et c'est puis, cool. Si vous, tu peux dire directement 5 et je te donne 5 noms et on se rapproche de plus en plus des premiers rôles, donc c'est de plus en plus facile, entre guillemets, de trouver. Je vous prends un exemple. Et donc le gagnant est celui qui a utilisé le moins de. Oui, et puis celui qui trouve surtout. Oui, oui. Ouais. Celui qui donne le moins de noms, il commence. Voilà, après, c'est ça. Après voilà. Plus de chance. Mais du coup, après, je dirais pas forcément plus de noms. Si je vous prends un exemple. On joue pas là. Non, je vous prends un exemple. Non, mais c'est important que ce soit clair. Je vous parle d'un film de... qui a été noté 4 étoiles, donc c'est la plus haute note hein, pour Leonard Maltin, puisqu'il note les films de bombe, c'est-à-dire 0, entre 0 et 1, à 4 étoiles. Donc pour lui, c'est un peu un chef-d'œuvre. Donc film de 4 étoiles, je ne donne pas le nom de réalisateur bien sûr. Alors je mouline parce que le c'est écrit en anglais hein, bien sûr, donc je traduis en même temps. La traduction simultanée. Donc c'est la communauté d'une petite ville de Nouvelle-Angleterre sur la côte et terrorisée par des attaques de requins. Un policier local, donc entre parenthèses il met le nom de l'acteur, un expert en poissons et un expert un peu salé en requin, un salty shark expert, sont déterminés à tuer l'attaquant. Accrochez-vous à vos sièges. Le scénario par Benchley Gottlieb, 3 Oscars incluant le score pour John Williams et ouais, tu balances des noms. Voilà. Tu y vas là. Ouais, voilà. C'est là, toujours un exemple. Ouais, d'accord. Je peux après voilà si vous trouvez avant. Je pense qu'on l'a. Là, bon ouais, voilà chez vous le titre s'affiche en bas. Il s'agissait des Dents de la Mer bien sûr. Bien évidemment. Parfait. Okay. Parfait. Donc, pour le coup celui-là n'était pas forcément très dur. Oui. Bah bien sûr je prends un exemple. J'ai pris un exemple extrêmement évident. Et que je répéterai à chaque émission, ça vous aurez le truc en tête. Je vais vous donner un thème, on fera un thème à chaque fois. Ah, okay. Super. Qui okay. peut vous aider aussi, qui est un bon indice. Donc ça, c'est vraiment le truc question pour un champion d'indice chez vous. Le thème, c'est premier film. Qui peut avoir plus. Et est-ce que c'est parfois les derniers aussi? Les premiers films. Ouais, d'accord. Premier ça peut film. Être leur dernier aussi. S'ils n'en ont pas fait d'autres après. Oui. Non, mais donc, voilà, le premier. Donc c'est un film de 148 minutes qui a été noté 2,5 étoiles. Je vous lis donc la critique et puis après on va passer aux enchères. Donc là on n'intervient pas. Là pour l'instant vous n'intervenez pas. Ok. Je vous lis la critique. Vas-y. je l'ai fait un peu à la. Ah ouais, d'accord. Ah oh, ça y est on y est. Merde. Putain ça y est j'ai enfin réussi à lui faire faire un Pierre Palmade. Ce qu'il faut savoir que c'est un très bon imitateur de Pierre Palmade Grano. Voilà. Oui mais malheureusement malgré la qualité de l'humoriste les polémiques récentes me contraignent voilà. Tu te retiens. Est-ce qu'avant tu le faisais? Est-ce que tu t'es vraiment retenu de le faire maintenant? Ah pas du tout. Voilà. Ça reviendra. Oui, il a gagné un point dans mon cœur déjà. Bon, alors, il se trouve que ça commence par le prénom de l'acteur principal, le résumé, mais Machin et son équipe sont des maîtres d'une forme d'espionnage industriel. Entrez. Alors, ce qu'on va faire, je pense, pour que ce soit plus dynamique, c'est que quand vous le sentez, vous allez me dire un nombre de briques. De briques, voilà. Machin et son équipe sont des experts, ont masterisé une forme d'espionnage industriel. Entrer dans les rêves de la cible et... Vous avez le droit de faire ça ouais, ou pas? Oui, bien sûr, vas-y. D'accord, ok. Alors, je te donne un nom. Ouais. Enfin, tu donnes une Attends, brique. Mais du coup, j'avais le droit de dire zéro, par exemple. T'avais le droit de dire zéro, d'accord, si ouais. tu trouves le nom tout de suite. Bah, zéro. Mais bon, on va dire un. Allez, on va dire un. Peut-être que je me trompe. Eh bien, il s'agit de Pete Postlethwaite. Ah oui. C'est le pire... La pire prononciation le pire possible. Dernier nom de liste possible. Est-ce que ce serait pas Inception? Oh là ça serait là. L'inception, oui. Bravo. Ce serait ouais. l'inception. Oui, c'est vrai. Alors, que les Québécois. Je viens de m'en rendre compte en notant ce film Inception, c'est qu'Inception n'est ni un premier film. Oui, oui, c'est vrai ça d'ailleurs. Parce qu'en fait, j'étais parti sur un autre thème au début. Ouais. En fait, j'ai oublié de changer ce film-là. Comme vous le voyez, cette émission est préparée. Cette émission est complètement préparée, sans filet. Et ouais. Oui, c'est pas du tout le premier film, en fait. C'est que, mais ça peut vous aider. Ouais. En fait, c'est parce qu'à la base, c'est pour ça que j'ai changé la thématique. Après, je me suis dit, oh, ça sera plus marrant. Parce qu'à la base, je voulais faire genre prendre les films qui sont sortis actuellement, cette année, quoi, les gros succès. Mais ça sert un peu d'indice pour la suite, en vrai. Et puis prendre un autre film et voilà. Okay. Donc bref, vous avez deviné donc Inception. Alors, en tout cas, on lui souhaite. Deuxième film. Donc c'est un film qui est lui aussi noté 2,5 étoiles. Ah oui, tiens, d'ailleurs, Inception, vous lui mettriez combien? C'est vrai ça, maintenant que tu dis ça, 2,5 étoiles. Alors, c'est un peu bâtard. Merde. On va pas se lancer là-dedans, mais c'est je pense que c'est presque mon Nolan préféré en réalité. Ah ouais? Donc toujours. Ouais, toujours. Ouais. Donc pour moi, ce sera un peu plus que 2,5. Voilà. C'est ça. Un bon 3. Un bon 3. Un bon 3. Un bon gros 3. Un peu, regarde, un bon, tu lui mets combien? Un bon 3. Un bon 3 ouais. aussi. Ouais. Sur 4, hein. Ouais. Oui, ouais, c'est pour ça. Un gros 3, un petit 4. Voilà. 3,5, quoi. Pas vraiment. 2,5, donc. C'est un film qui a été suivi de deux suites. Indice, il y en a plus que ça depuis. Hein. Il y a plusieurs scènes assez énergiques à plusieurs points clés du film. Mais on s'ennuie quand même entre ces passages-là qui sont... Ah, ah bah vas-y, si voilà, tu n'hésites pas à dire. Il est chaud, Grenoble, il est chaud. Non, mais j'ai cherché les films qui, au moment où la critique a été écrite... avait deux suites puis en ont depuis. J'avais un film en tête qui correspond un peu à cette description, mais je vais te laisser continuer. Non, je vais te laisser continuer. Non, ouais, c'est ça. Film de 110 minutes, 1996. Ça se précise. Attends, bon, je vais dire un 1. Ouais, mais c'est, ouais, mais si lui dit 0, je suis battu. tu dis 1. Ok. Alors, je te le dis, je te dis un nom. Ouais. Vanessa Redgrave. Est-ce que c'est Mission Impossible ? C'est tout à fait Mission Impossible. Wow. Allez là ! T'es très très fort. Qui est Vanessa Redgrave ? Tout de suite, quand c'est Mission Impossible. Bah, on l'embrasse. On l'embrasse. Elle n'a probablement pas joué dans les autres suites de Mission Impossible. Ouais, je pense savoir quel rôle c'est. C'est le rôle qui, a priori, m'a fait ne pas comprendre le film la première fois que je l'ai vu. Ah, c'est Max ? Ouais, je crois que c'est elle. Le vendeur d'armes. C'est possible. Oui, exactement. Max, ouais. Exactement. Oui, c'est la meuf qu'on voit au début ? Ouais. Ouais, non. Oui, si, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, donc film de Brian De Palma, avec Tom Cruise, John Voight, Emmanuel Béart, bien sûr. Et oui. Jean Reno aussi. Reno. Bah oui, Jean Reno. Et toujours Vin Rhames qui est toujours là. Oui. Qui est le seul, je crois, avec Christine Tom Cruise Thomas à être aussi. Dans tous les films, il me semble, Vin Rhames, non ? Ah ouais ? Tous les films de la saga, je crois, ouais. Ah bah oui, c'est possible. Hein. Pareil, 2,5. Bon, ouais, moi, il est dur. Hein. Pour moi, c'est un très grand film de De Palma. Hein. Ah ouais ? Bah ouais, ouais. Ah ouais. Sans problème. Tout ce que le film raconte. Enfin, il y a plein de niveaux de lecture sur les jeux d'espionnage et tout ça, de la vérité de ce qu'on voit à l'image, et du coup, qui parle du cinéma, je trouve hyper intéressant. Mais bon, un on va peu pas se typique de Palma, oui. C'est ça, parce qu'on a dit qu'on était là pour s'amuser. On n'était pas là pour se triturer. Bah, si, non, mais si, parlons. Pardon, tu m'as donné envie. Bien, ça va, toi, sinon. Bah oui, bien, non, mais tu sais que. Moi, c'est un 4 étoiles sans problème. Ah ouais, ok. Ah ouais, full 4 étoiles. Full 4 étoiles. Sans souci. Il y a quand même beaucoup de films de cette saga qui sont proches des 4. Hein. Ouais. Ah, je trouve que. Bah, le 2, quoi. Tu sais que le 2, je pense que je l'ai vu étant tout petit et j'en ai aucun souvenir. Je me souviens de tous les autres films et. Bon, je sais pas, j'hésite à me relancer dans cette aventure. Non, mais tu sais que. Bon. En vrai, moi, c'est pareil. Genre, le 2, je crois que c'est pareil, j'en ai aucun souvenir parce que, en fait, à chaque fois que je cite des passages, on me dit non, mais ça, c'est dans telle Mission Impossible. Ah oui, ça, c'est dans telle, mais c'est jamais Mission Impossible 2. Et bref, oui, donc le premier Mission Impossible, hein, donc le premier film de la saga. Vous avez vu le dernier Mission Impossible ? Bien sûr. Et oui, évidemment. Et oui. Ouais. En IMAX. En IMAX, tout à fait. Ah oui, c'est vrai que vous avez la carte IMAX, vous. Une carte Gaumont. la carte sponsor IMAX. On n'est pas fan du GC. Je sais pas si t'avais pas remarqué, j'ai un peu évoqué le sujet dans ma chronique. J'ai compris. Bah, c'est pas comme ça qu'on aura des sponsors. Mais bref. Si, Gaumont pâté. Du coup, William, qu'est-ce que tu as pensé du 7 Alors, moi, le truc, c'est que Mission Impossible, moi, je fais partie des gens où Tom Cruise, je suis pas. Je suis pas un Tom Cruiseos, quoi. Je suis pas un cruiser. Mais en fait, et c'est justement via les Missions Impossibles où je suis allé voir le celui d'avant, enfin le Fallout, voilà, c'est ça que je cherchais, c'est oui le 6 du coup. Et en fait, j'ai été bluffé, quoi. Enfin, je me disais, je m'attendais pas à vraiment. En plus, il est long comme là, celui-là. Enfin, en plus, celui-là, c'est le premier de c'est beaucoup plus long. Celui-là encore. Ouais. Mais du coup, il y a un truc où vraiment, je me disais, je suis allé un peu en traînant les pieds et tout. En fait, je me dis, ah ouais, en vrai, je comprends pourquoi les gens ils kiffent et tout. C'est impossible. Ouais, là, pareil, ouais. Tu vois, genre. Et en fait, ouais, Tom Cruise, moi, j'ai toujours trouvé un peu antipathique et tout, ouais. Tu vois. Enfin, moi, je suis resté sur le truc, sur sa phase scientologie et tout ça. Les moments où il saute sur le canapé d'Oprah Winfrey. Voilà, la promo les, de la guerre des mondes. Les sourires de démon, là. Voilà. Et en fait, j'ai jamais réussi à décoller cette image-là de ma tête. C'est marrant ce que tu dis parce que pour moi, le 6, je pense, c'est celui que j'aime le moins. Tu vois. Je suis assez d'accord avec toi parce que je trouve qu'il a les symptômes de son. De sa fabrication. Le film a été tourné, ils avaient à peine un scénario, et tu sens qu'il y a constamment des scènes de dialogue dans des lieux anecdotiques juste pour accrocher les wagons pour aller aux grosses scènes d'action qu'ils veulent faire, tu vois. La poursuite à Paris, la poursuite. C'est un peu ce qui se passe dans le dernier, je trouve. Mais je trouve que c'est plus fluide dans le dernier. Un peu fluide, et le fait que le film aille chercher, je trouve, à certains instants, des ambiances, des références aux anciens films de la saga, jusqu'au premier, ce qui rendait le tout un petit peu plus, j'allais dire digeste, c'est un super gros mot parce qu'en réalité le sixième il est totalement digeste. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté, vu que c'est censé conclure la saga, il y a une volonté vraiment de ramener tout ce qu'a fait tout ce que les gens connaissent, à coup de références et de. Ouais. Et je pense que le fait que le film montre un peu moins les muscles que le sixième, au final moi je pense que j'ai préféré aussi pour ça. Ah ouais, okay. Fallout, c'est spectaculaire, j'ai passé un super moment, mais il y avait un peu trop de surenchère, je trouve. Enfin, voilà. Bon. Je suis d'accord, les scènes étaient trop gratuites à mes yeux. Après, elles sont monstrueuses, hein. C'est après, des super séquences. Henri Cavill, bon. J'adore. Qui recharge ses points dans les toilettes. Ça, on le dira jamais assez. Tu sais que jusqu'au moment où je suis allé voir le film, je croyais que c'était. Il rechargeait vraiment ses points. Ah, tu croyais que c'était un genre de super-héros. Ouais. Ah bah oui, non mais moi j'en étais à ce stade là de Mission Impossible, c'est-à-dire oui bah attends, on part quand même d'un film où les gens ils changent de visage et machin, et tout, je me suis dit, ça se trouve c'est un peu en mode James Bond, oui. Et les mecs qui rechargent leurs points quoi, tu vois, et genre j'en étais à ce stade là, c'est pour ça qu'au final j'avais pas forcément le même attachement même en allant voir le dernier, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que malgré le fait que je suis pas trop attaché à la saga, j'ai quand même trouvé que le traitement de, comment elle s'appelle Rebecca Ferguson était quand même un peu abusée, parce que je pense après faut pas oublier qu'il y a la deuxième partie qui va arriver derrière, et moi tu penses qu'elle est pas vraiment morte, vu comment la mort est balayée. On a spoilé au fait, pardon. Oui, pardon. Oui, c'est vrai. Non mais elle est pas morte, pas du tout. Non mais enfin que peut-être elle est peut-être spoiler. Peut-être elle est décédée, mais je pense, enfin moi mon point de vue de la manière dont c'est fait, j'ai l'impression que c'est pour mieux la ramener dans le film suivant. Ah ouais. Enfin, bah j'espère, mais moi je me dis que le traitement est vraiment trop anecdotique de sa mort pour un des personnages les plus importants depuis le cinquième film. Bah en espérant que ce soit vraiment ça, parce que si c'est pas ça, et moi j'avoue que je suis pas aussi optimiste entre guillemets que toi. Je me dis que si c'est pas ça, c'est vraiment abusé quoi. Là, je suis d'accord. Et toi Agathe, ça t'a plu? Ça a fait boum. C'est vrai. Il y a le thème 15 fois. J'en peux plus. Oui, c'est vrai, putain. Ouais. Mais sinon, oui. Bon film d'action, quoi. Ouais. Après, moi, comme toi, je suis pas attaché à la saga, donc. Bah ouais, mais moi, ça m'a fait pareil avec. J'ai vu Top Gun la semaine dernière. Le 2, le deuxième, Top Gun. Tu l'as pas vu au cinéma? Non, parce que j'en ai rien à branler de Top Gun. Ah ouais. Et du coup. Frère, j'ai vu 4 fois au cinéma. Bah oui, non, mais bien sûr. En IMAX, non, tu l'as vu en IMAX? 4 fois en IMAX. Bah bien sûr. Et du coup, tu l'as vu mon pâté, tu l'as vu en 4DX ou pas? Non, parce que j'imagine que c'est le genre de film. Oh, j'aurais adoré. J'avoue que ça doit être un très holo 4DX. J'aime bien la 4DX. Quelle horreur. Ah ouais, t'aimes pas ça toi. Ah non, quelle horreur. J'ai vu. Mais c'est pour ça que j'ai une carte UGC maintenant. Ah. Toi, t'en as marre de tous ces gadgets. Hein. Ah, moi, j'aime bien quand le siège il fait mal au dos. Là, que t'as des puces de lit. Et, UGC Léal, il peut y avoir un peu d'ambiance. Tu vois, on peut s'y croire un petit peu. Tu vois, bah ouais. J'ai la 4DX. Ouais. Je suis allé voir Yannick. J'avais l'impression d'être en 4DX. Mais non, mais bref, pour revenir à Top Gun. Top Gun, par contre, on l'a vu en cinéma en plein air, figure-toi. Wow, voilà, pire manière de voir le film. Probablement. C'est marrant parce que je savais en te le disant que t'allais dire ça. Oui. Genre que t'allais dire genre c'est probablement la moins bonne manière de voir le film. Avec deux enceintes qui font la taille de mon Mac. C'est un petit Mac. C'est un petit Mac. Hein. C'est pas c'est un Mac portable. Hein. Est-ce que ça t'a plu? Eh ben oui, parce que c'était ça le truc de base. Donc comme quoi, ce ne sont pas que des artifices technologiques. Il y a un film derrière qui a réussi à te parler. Exactement, Bastien. Mais je te renvoie le commentaire, figure-toi. Mais non, mais c'est que oui, voilà. Enfin, il y a un peu ce truc comme ça m'a fait vraiment comme Mission Impossible. Et enfin, de toute façon, ça se voit que c'est un peu dans le même moule, dans le même moule et dans le même esprit. C'est que enfin, pour le coup, Top Gun, j'en avais encore moins à foutre que Mission Impossible. Parce que le premier Top Gun n'est pas un très bon film, hein, il faut le dire aussi. Oui, oui, clairement. Malgré le succès qu'il peut avoir. Oui, mais en plus c'est un succès un peu générationnel et tout, enfin c'est surtout, pas genre enfin bref, oui, comme en plus c'est un mauvais film parce que c'est même un mauvais film, je trouve. N'ayons pas peur des mots. Mais à la contrebande on dénonce. Exactement. On non mais bref, voilà, on va pas épiloguer, mais ce que je veux dire c'est que ça m'a fait pareil, c'est-à-dire genre putain, ah ouais, OK, le côté vrai divertissement d'action et tout, moi je suis pas fan de films d'action de base et du coup là en fait, j'ai eu vraiment ce truc de putain, j'ai pris la claque quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais, enfin, voilà. Et donc tout ça pour dire que Mission Impossible trop long, ils sont tombés dans le problème des suites en deux parties comme tous les autres. et c'est dommage. Vrai play, ça. Vrai alors play. pour le coup là-dessus, moi je trouve qu'on a quand même la chance d'avoir un film qui se tient, tu vois, enfin qui ouais, mais qui est beaucoup trop long, tu peux qui est beaucoup trop long, mais c'est pas je me suis pas senti frustré à la fin du film, je me suis pas dit OK, d'accord, 3 4 ans avant la suite ou l'impression oui, d'avoir une série, tient. Tu vois. C'est un film qui se tient quand même, ouais. D'autres sagas actuellement à Hollywood, c'est un peu plus le cas quoi. Mais là non, ouais, c'est un film qui se tient et non, c'est et ça m'a quand même donné envie de voir la suite, donc non, moi, c'est... Oui, c'est clair. Non, c'est sûr. Et puis bah après ouais, moi je trouvais qu'il, parce que c'était ça qui m'y avait fait penser, tomber dans l'écueil que tu parlais du, je sais plus lequel, le 2 ou un truc comme ça, mais le côté de de celui d'avant, de Fallout. Les scènes d'action qui les scènes de dialogue qui reviennent à raccorder les scènes d'action, juste là pour raccorder les vagues. Bah moi j'ai trouvé que c'était grave ça dans celui-là. Ah, je trouve que c'est alors après les scènes d'action sont très longues et sont très bien, enfin elles excusent limite le fait que les scènes d'action les scènes de dialogue sont pété, parce que c'est vraiment genre, OK, il faut qu'on fasse ça. Ah oui, tu penses qu'on doit faire ça? Oui, je pense qu'on doit faire ça. En champ contre champ. Ouais, c'est ça. Et allez, vas-y, on passe à autre chose. Et c'est limite s'il dit pas, allons à la prochaine scène d'action ensemble. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est vraiment, bref, mais bon, en tout cas, tu viens pas voir ça pour les dialogues, quoi, mais. Prochaine question du Leonard Malgame. Numéro 3. Encore un film noté 2,5, bon alors. En fait, c'est les films de milieu de classement pour lui, quoi. Film rated R. L'étirement d'un court-métrage qui a été fait par ce... Donc là, on est vraiment sur un premier film, puisque c'est clairement voilà, un court-métrage qui en a été fait un film. Des performances très... une performance très incarnée par l'acteur principal qui a co-écrit le film en tant que Dignan. Quoi ? Dignan. Dignan. La ville de Dignan en Bretagne. La ville de Dignan. J'allais faire un week-end à Dignan. Ouais. Et son frère de la vraie vie, Luc, qui joue Anthony et qui sort du lot. Voilà. Et celui qui joue le troisième frère, Andrew, donc le grand frère qui les bully, quoi. Ouais. Voilà. Qui les frappe. Voilà. Bon courage. Hein. Waouh, là tu nous as eu. Là. Après, je peux vous. Est-ce qu'il y a un petit résumé? Si on récapitule, le frère joue dans le film. Le frère du réalisateur joue dans le film. Alors, le frère du co. Et du co-auteur du film, en fait, ce mec et son frère jouent dans le film. Ah. J'ai pas le nom du film, mais j'ai le nom du réal. Du réal, c'est qui? Je suis pas sûre. C'est pas Wes Anderson? Si. Ah, mais j'ai pas le nom du film. C'est le premier film de Wes Anderson. Waouh, le premier. Je sais plus comment il s'appelle. T'as un demi-point à gagner. Ouais! C'est Bottle Rocket. Voilà, ça. C'est Bottle Rocket. Wow, il est un peu obscur, celui-là, quand même. Avec Owen, et c'est celui-là qui était le plus dur, je pense. Ouais. Et du coup, c'est Ayette qui l'a trouvé. Alors, non pêche. Hein. Avec Owen et Luke Wilson, du coup. Ouais. Ah, d'accord, les deux. Voilà. Okay. Les deux, bon. Et donc, Owen Wilson qui a co-écrit le film. Wow. Voilà. C'était évidemment parce qu'il y a Asteroid City qui est sorti. Ouais, je vois que vous avez envie d'en parler, donc on passe au film suivant. Moi, ça fait deux Wes Anderson que je suis pas allé voir. Bah, il commence à bien carburer aussi, hein. Il fait un film par an. Il y en a un sur Netflix, ça. Et du coup, il y en a un nouveau qui sort, Mais il tourne un peu en rond, je trouve. Enfin, moi, j'ai jamais été fan du bonhomme, et là, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes films qu'il fait plus vraiment. Oh, en vrai, il y a ça. The French Dispatch, il est vraiment bien. À partir du moment où ta patine plastique devient une trend sur TikTok, c'est que ouais, mais tu sais bien ce que c'est avec ce genre de truc, tu vois, enfin c'est que ouais, mais ça veut dire que le gars quand même tourne un peu en rond. Ouais, avec ses plans composés toujours, enfin moi personnellement toi, ça touche pas, ça me touche absolument pas. Je passe totalement à côté de ce film là. J'irais pas le voir en IMAX, quoi. Il n'est pas diffusé en IMAX, coïncidence. Je ne pense pas. Bizarrement, les films carrés, ils devraient passer en IMAX, mais ce serait logique. Et en tout cas, je French Dispatch, je trouve que et au final, Asteroid City m'a pas mal captivé comme film. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. Ouais, il est, enfin je sais pas, je trouve il y a pour le coup le côté Pat Wes Anderson, je sais pas, je trouve qu'il est exploité au maximum. Et il y a le côté où ouais, tu comprends pourquoi justement son style il est pas si imitable que ça, en fait. Il est imitable, mais il est imitable, mais pas sens. Égalable, en fait. Voilà. Tu comprends ce que je veux te dire ou quoi? Je sais pas, je trouve tout le casting est super, même ceux que tu as l'habitude toujours de voir qui sont dans des pantoufles. Et je sais pas, t'es bien, quoi. Je trouve que t'es bien quand t'es tu vois ça. Ouais, c'est fluide. Et puis, ouais, c'est une histoire qui... Encore, pour le coup, je sais pas, tous les trucs qu'on pourrait coller à ce qui, à ce que, à ce qu'il fait, genre le côté ah mais on que t'es très maison de poupée, très machin. Ouais. Ben en même temps c'est vrai. Enfin tu vois ce que il y a le côté où c'est oui en même temps ça marche quoi. Ouais. Et là le truc où enfin ce qu'il te raconte, je sais pas si je spoil mais mais l'histoire qu'il te raconte où il y a un genre de twist au milieu du film, bah ça reste organique avec la façon dont c'est raconté et c'est enfin je veux dire c'est OK. Non mais je vois que tu me je fais le regarderai pas, je le regarderai pas. Mais t'as éveillé ma curiosité. Bah ouais, bah écoute, je reste avec Team Agathe, hein, c'est pas grave. Hein. Écoute, on est bien. On est là. On est là. Hein. Le prochain numéro. film 4 étoiles. Waouh. Donc là, on déconne plus. Là. Citizen Kane. Exactement. Et oui. Et gagné. À ta chronique maintenant, puisque tu tiens. Non, film de 115 minutes. Les effets visuels, le montage, le montage des effets sonores et la direction artistique. Et les décors ont tous gagné des Oscars, suivi par 4 suites et une série télé. C'est un premier film ou pas? Non, c'est pas un premier film. C'est un premier film. C'est son premier saga film. De 5 le films. Premier film d'une saga. Est-ce que ce serait pas Les Aventuriers de l'Arche Perdue? Exactement. Bravo! Attends, ouais, 4 étoiles. Ouais. Ouais. Puisqu'on est quand même l'année où il y a un nouvel Indiana Jones qui est sorti oui, quand même. Exactement. Cadran de Destinée. Est-ce que tu l'as vu, Willem? Mais oui, je l'ai vu et enfin. Blague à part, j'ai été assez agréablement surpris. Pas si pire. Mais on ça en le, est là aujourd'hui. Ça le résume bien. On en est là aujourd'hui. Si on en est à pas si pire. Bah, ah, ouais, une suite d'Indiana Jones, on attendait de la défoncer. En fait, c'était pas si pire. C'est allez, pas on passe à autre chose. C'est que c'est des films inattaquables, tu sais, qui sont tout lisses. Ouais. Ils ont rien à... Au moins, le 4 avait pour lui d'avoir des idées. Ouais, c'est exactement. Pff, ouais, des trucs. Alors que là, c'est juste c'est tout lisse, c'est tout plat. Et en soi, c'est pas fondamentalement mal fait. Mais c'est pas très intéressant, tu vibres jamais vraiment. Je trouve qu'il y a une très belle idée sur la fin quand même, l'idée de la conclusion, du voyage dans le temps, tout ah oui, ça. Voyage, oui. Je trouve que c'est sur ce que ça raconte sur le vieillissement, tout ça. Je trouve ça super intéressant, mais bah, c'est très mal fait, je trouve après. Mais voilà, j'ai pas plus d'arguments. Non, mais de toute façon, je le défendrai pas assez développé, mesure, je trouve. Mais voilà, mais il y a de belles idées. Tu veux dire un truc Non, oui, juste, oui, tu parlais du fait que, enfin, le film a pas les mêmes défauts que le quatrième, et c'est vrai que c'est quasiment systématique sur les mauvais films à Hollywood maintenant. C'est ce genre de défaut, c'est un film lisse, oui, dans lequel il y a enfin, c'est pas la prise de risque qui fait que le film est critiquable. Finalement, quoi, tu vois. Est-ce qu'on serait pas sur un film généré par une intelligence artificielle? Oh, lololol. Oh, bah, c'est machin de parler de film. Ou alors Bridge, comme ça. Oui, j'adore. Bah, ouais, mine de rien, quand même. Je pense qu'elle a quand même amené pas mal au film. Ouais. Surtout des dialogues, je pense. Surtout des petites retouches. Oui. J'ai très envie c'est de pas elle qui a fait les cascades. Mais tiens, bah, d'ailleurs, parce que c'est ça que je disais, je voulais pas spoiler, mais quand tu vois, par contre, là, bah, en termes de lissitude, et de lisseur, de lissage entre la scène de bagnole dans Indiana Jones et la scène de bagnole dans Mission Impossible qui ont à peu près les mêmes enjeux. Oui. Et tu vois les années-lumière de différence de réel entre les deux, tu te dis ah oui. Ouais. C'est... Alors qu'en plus, pourtant, James Mangold, le réalisateur, se vantait d'avoir tourné dans des décors réels. Sauf que visiblement, en vue du film, tout ce qu'il a tourné en décor réel, c'est des plans larges, et après tout ce qui est plan serré, c'est vraiment du fond vert en tous les sens. Oui, clairement. J'ai vu des images de making-of, tu sais, de la course en cheval. Ouais. Et en effet, sur les plans larges, bah, en fait, tout y est. T'as l'impression, quand tu vois le film, que c'est que du CGI, mais non, pas du tout. Ouais. Il y a des décors réels, il y a, bon, évidemment, un cascadeur sur le cheval. Mais le film pue le faux, quoi. C'est ça qui est terrible. Non, c'est très. C'est fort. C'est fort. Mine de rien, la scène d'intro est pas si mal, je trouve. Moi, je l'aime bien. Je la trouve rigolote. Ouais, et pour le coup, ils ont oser des trucs avec Harrison Ford en de-aging qui sont quand même assez. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, les scènes d'intro reposaient sur des choses plus intéressantes que ça. Là, vraiment, la scène d'intro repose juste sur regarder, on a rajeuni c'est Harrison Ford. C'est vrai. Alors, je pense à celle du 3, par exemple, que je trouve complètement dingue. Oui. Ce plan de transition dingo, là, quand tu passes du jeune Indiana Jones qui relève la tête au vieux Indiana Jones, enfin, tout ce que ça raconte, je trouve ça génial. Oui, puis c'est encore une fois le côté très. Virtuose de genre en un plan, voilà, t'as tout compris. C'est de la mise en scène. Bah ouais. Mais oui, non, mais c'est clair qu'en termes de mise en scène, puis il y a des trucs complètement ratés. Enfin, genre, je sais pas, tout le passage où ils vont sous l'eau, là, avec les murennes. c'est torché. Le vitesse, tu sens qu'ils veulent la bâcher, la scène. Il y a pas d'enjeu, rien qui se passe. Il n'empêche que moi, la fin m'a quand même surpris. J'ai quand même été. Ouais, j'étais surpris du jusqu'au boutisme. Ouais, exactement, ils vont pas le faire. Ah si, d'accord, ils font même ça. Si finalement, j'en reviens dans le 2, t'as quand même un homme qui arrache le cœur. Oui, mais en fait, c'est le raccord avec le fantastique qu'il y a dans tous les films. C'est mais ça. Le 3, ça va, le Graal et tout ça, ça va loin quand même aussi. Oui, bien sûr. Donc finalement, c'est une variante d'Indiana Jones. Oui, mais je sais pas, il y a un truc quand même. Mais là, il y a clairement un voyage dans le temps. Littéralement, il parle. En même temps, tu dis pareil pour le Graal et tout, mais enfin, je sais pas, le fait qu'ils ont Mais du coup, il y a le côté faux aussi. Ouais. Que tu peux pas faire. Enfin, tu peux pas faire ça. Tu me diras peut-être qu'ils auraient pu le faire avant, mais je veux dire, il y a le côté, oui, complètement full CG qui leur dit, oui, mais si, on peut faire. Voyager dans le temps en avion et on va les faire réapparaître au passage, enfin, à l'antiquité et tout. Mais tu sens que c'est un film qui a subi des reshoots et des réécritures dans tous les sens. Enfin, le budget du film est aberrant. C'est truc à plus de 250 millions de dollars. Ça n'a aucun sens visuellement. L'image, t'as pas 250 millions de dollars. Oui, oui, c'est dingo. Tu sens qu'il y a de la thune qui est passée, tu sais pas où, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est clairement, Ce qu'on disait dans l'intro, quoi. Voilà. Ce genre de problématiques à Hollywood actuelles. C'est un film qui synthétise bien, je trouve, les problématiques actuelles à Hollywood. Ouais. Et puis, c'est vrai que c'est des trucs où tu dis, ça aurait pu aller plus loin sur certaines choses. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est ça, c'est que si je le sentais, le truc de, quand il va sortir, vous allez voir que les gens vont reparler du 4. Ouais. En disant, genre, ouais, au moins le 4, il ça était cassé, va. Mais ça allait. Bon, allez. Shia LaBeouf qui se balance de liane en liane. Il était à chier, ce film. Voilà. Et t'as un super. Le plan où on voit. Bon, on coupera. Le plan où on voit Indiana Jones pour la première fois au début du film, qui est un espèce de plan composé de malade où la caméra part de la voiture avec l'ombre. Exactement. Il attrape son chapeau il le remet. T'as un plan de fou furieux. Et quand même, t'as la réal de Spielberg qui est assez dingo sur ce film là aussi. Mais j'allais dire, tu parlais des scènes d'intro. Moi, la scène d'intro du 4, elle m'a marqué pour ce genre de choses, tu vois, notamment. Ouais. Genre, il y a quand même des idées, il y a quand même. Ça reste un peu Spielberg. Exactement. Et James Mangold n'est pas un manchot quand même, hein. Il a fait des super films. Du réalisateur du dernier Indiana Jones, il a quand même fait Le Mans 66, c'est très bien. Le Mans 66, que je, pareil, film, quand je suis allé voir, j'y attendais rien du tout. Ouais, parce que le sujet m'intéressait pas plus que ça au final. Il a fait ce super film avec Sylvester Stallone, gros là, comment il s'appelait? Copland. Qui est génialissime. Copland, et puis Logan aussi, qui était pas si mal. Logan qui a quand même marqué beaucoup de gens. Un peu, on s'est dit, ah ouais, en fait, on peut faire un genre de film de super-héros crépusculaire. Et bon, ça a pas trop suivi derrière, mais c'était cool. Très bon technicien. Qui là, on le sent, se fait bouffer, et t'es juste un exécutant. Oui, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début. Enfin, tu veux faire une chronique? Il paraît. Ça te dit le pire lancement. j'avais envie de faire redescendre tout, genre comme un vieux soufflet. Alors, je t'en prie. J'aime bien donner des titres à mes chroniques, et là je l'ai appelé le paradoxe Oppenheimer. Plein de promesses. Ouais. Quelle fut ma surprise et oh que je fus content quand Bastien me proposa de me joindre à la petite aventure de la contrebande. J'ai cru que ça allait rimer. Je ne me serais pas permis. J'aurais surtout demandé à ChatGPT d'écrire les rimes à ma place. Peux-tu me traduire ça en rime, s'il te plaît? Oui. Et surtout, quelle fut mon excitation quand il me demanda une chronique? Alors, quand je pense à une chronique, moi, je vois Guy Carlier, je vois Charlie Vonnenocker sur France Inter, ou encore Éric Zemmour sur RTL, voilà. Je vous parle de gauche, de droite, il en faut pour tout le monde. Que de sources d'inspiration, vous dirais-je. Guy Carlier, quoi, putain. Le flashback, quoi. Je me revois, tu vois, petit dans la voiture de mes parents, entendre la chronique à la radio, tu vois. Bon. Donc, une chronique. Il fallait trouver un sujet. Je vous le cache pas, la sortie conjointe de Barbie et Oppenheimer m'a d'abord inspiré. Très original par les temps qui courent, je viens de vous dire. Je pensais à une petite histoire qui aurait lié les deux films. Peut-être que cette petite explosion à Los Alamos, on va dire que c'est pas du spoil, aurait déglingué notre univers et aurait fait naître de petits êtres de plastique, Barbie et Ken. C'est physique, métaphysique, plastique, on dirait presque que je parle d'un David Lynch, eh oui. Ceci dit, lui-même n'en était pas très loin dans la saison 3 de Twin Peaks. Eh oui, je sais pas si vous avez vu... cette série déjà. Moi, j'ai pas vu la dernière saison. Après, il faut aimer David Lynch. Hein. C'est-à-dire que ça passe ou ça casse. Et généralement, les Twin Peaksos, ils sont. Oui, ils sont Twin Peaksos, quoi. Très Twin Peaks. C'est comme moi avec Kaamelott, quoi. En vrai, c'est pire. Bref, pardon. À force de cogiter un peu dans mon coin, ça m'arrive, je me suis rendu compte de quelque chose, d'un paradoxe à proprement parler. La définition d'un paradoxe, un peu de culture, de vocabulaire, ça va pas nous faire de mal. C'est une association de deux faits, de deux idées contradictoires. Par exemple, j'ai un abonnement à la salle de sport, je ne vais pas à la salle de sport. Paradoxe. <Attends l'interrogation. rire> Ou encore, je déteste le Marvel Cinematic Universe et j'ai pourtant l'intégrale en Blu-ray. Je ne vise personne. Ça, c'est un vrai paradoxe pour le coup. Je vois pas de quoi vous parlez. Et s'il y avait un paradoxe entre la sortie de Barbie et d'Oppenheimer? Je m'explique. Je vais tracer le fil entre l'invention de la bombe atomique et ce qui est devenu le cinéma populaire aujourd'hui. Oui. Alors, ça va être un petit peu tiré par les cheveux, mais je pense qu'on va y arriver. On n'est pas forcément là pour parler d'histoire, et je suis clairement pas le mieux placé pour en parler. Mais la guerre froide, mais oui, Jamy, la guerre froide. L'URSS, le bloc soviétique contre les États-Unis d'Amérique. Rocky contre Ivan Drago. Faut placer des petites références. Ouais. Bah, quand on veut montrer du muscle, ça infuse également sur la culture et donc sur le cinéma. Et donc, oui, je vous parle pas forcément de films de propagande, mais bien de pop culture. Celle des États-Unis d'Amérique des années 70, 80. Star Wars, Spielberg, Back to the Future, Howard the Duck. Voilà, je vous fais pas le topo. Vous savez de quoi je parle. Tu connais, toi, qui aime Marvel? T'es les mecs en collant, là, les bordels. Là. Ouais, t'inquiète. Donc ça, c'est la première étape. On muscle la production cinématographique. On se démarque des productions froides du bloc de l'Est. On crée un vrai cinéma divertissant, et riche. À l'époque, un vrai vent de fraîcheur, hein, c'était nouveau tout ça. On crée du cinéma et toute une génération de jeunes cinéphiles. Je vais faire un bond de 40-50 ans dans le futur. Et voilà. Waouh. Mais oui, j'habille. Pas sorcier. Je ne vous apprends rien, Star Wars existe encore, Super Mario est adapté au cinéma et Marvel donne une seconde jeunesse, ou plutôt tente, aux super-héros de nos années 2000. Donc les enfants des années 70 sont devenus des adultes nostalgiques, Hollywood l'a bien compris. Donc la logique de franchise a fini par l'emporter, la logique de licence je dirais même. Donc voilà, petit à petit, on recompose les étapes jusqu'à maintenant. Cette logique de licence, elle vous fait pas penser à quelque chose ? Ouais, on pense que l'on veut, je donne pas mon avis sur le film, mais Barbie, à la base, bah, c'est une licence de divertissement qui a désormais un pied dans le monde du cinéma. Et pourtant, certains metteurs en scène bien entourés résistent encore et toujours à l'envahisseur. C'est un miracle, ce n'est pas le seul d'ailleurs, Oppenheimer, qui est quand même un véritable film d'auteur, éloquent, dense, riche, et surtout une grosse production chez Paramount, donc ce film existe. Universal, non ? C'est Paramount ? Ah, me serais-je trompé ? Je crois que c'est Universal, ah. Mais c'est pas très grave. Ah oui, depuis le début, j'avais en tête Paramount. Oui, je revois le... Donc on dit toujours que la mécanique quantique, hein, la physique quantique, et donc le sujet du film d'Oppenheimer, est source de plusieurs paradoxes. Eh bien, messieurs, dames, je crois que l'un d'entre eux est sous nos yeux en ce moment même. Donc permettez-moi de m'amuser de ça. La lumière qui tapisse nos toiles de cinéma est à la fois une onde et une particule, et projette en même temps Barbie et Oppenheimer à méditer. J'ai envie d'y aller. Voilà. Il a littéralement droppé le mic. Mais délicatement. Il a droppé. Il a fait un fond du petite introduction à la réflexion sur plein de petits sujets, mais je trouvais ça curieux, voilà, que finalement on soit capable de remonter le temps et de constater que Oppenheimer, bah, peut-être pas tant de raisons que ça d'exister à l'heure actuelle. Oui, c'est clair. Mais c'est qui c'est bon, que c'est une très belle merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, hyper bien écrit en plus. Vraiment, c'est, vous me regardez avec l'œil qui frise, non, mais je suis de vrai. Mais t'as à dire un truc, pardon. Non, oui, enfin, que pour le coup, Barbie, il avait un peu le cul entre deux chaises quand même, parce que c'est justement quand même un film de film licence. D'auteur, hein. Ouais, oui, c'est un film d'auteur c'est un film de licence. Donc, ouais. Lui-même est paradoxal, quoi. Enfin, paradoxal. Oui, si, il est, voilà, pour reprendre le terme de paradoxe. Bon, faire l'exégèse de ma chronique. Non, mais c'est vrai que. En plus, on voit déjà que, avec le carton qu'il a fait, ils ont, ça me fait rire parce que de ce que t'entends, c'est genre, ah, maintenant on va faire des films, genre, je sais pas, J. Joe. Ouais, voilà. Ah, merde, on l'a déjà fait. Mais en fait, il y en a beaucoup qui ont déjà été faits. Mais non, mais tu sais, genre, plein de films sur des jouets, ouais. Et de se dire, bah, en fait, alors attends, parce que si c'est un film sur un jeu. Pardon. Mais non, mais tu vois, enfin, et c'est marrant parce que oui, t'as quand même le cynisme qui récupère ça en disant genre, enfin, même si de base j'ai toujours un peu de mal à me placer avec le film Barbie quand même. Même si quand t'entends, il y a un peu le côté, oui, mais c'est pas parce que c'est un énorme studio qui fait un film féministe qu'il faut pas quand même le voir comme un film féministe, que c'est important et tout. Mais j'arrive vraiment pas à voir. J'ai du mal à voir au-delà du cynisme du truc, tu vois. Mais après, il y a quand même eu des tentatives dans le film qui sont intéressantes. Mais moi, ça me fait un peu penser à Black Panther, en fait, où c'est un film qui est militant parce que le réalisateur porte ses convictions là. Oui, voilà. Mais ça résiste net, tu vois. Donc c'est. Ouais. Puis là, Mais en fait, moi, ça m'a vraiment surpris dans le film que Mattel soit allé aussi loin sur certains trucs. Oui, ouais. Je pense qu'ils ont et c'est aussi pour ça que j'arrive vraiment pas à m'empêcher de pas voir un cynisme là-dedans, de genre ouais on va y aller à fond et c'est ça qui va marcher. Bah, surtout avec les patrons du studio qui sont représentés à l'écran. Ouais, et puis même la créatrice de Barbie, enfin tu vois, qui dit j'ai des problèmes avec le fisc, machin, enfin tu vois, genre je sais pas, tous ces trucs là. Bon, au final, ça fait marrer parce que parce qu'on est des prolos qui rigolent des riches de toute façon, donc c'est marrant, tu vois. Mais je veux dire, tu vois, ce que je veux dire, c'est que genre au final, qui va aller faire un procès à ça si la personne qui est concernée dit ok, tu vois, genre c'est le côté autodérision. Au final, tu te dis oui, ça fait de mal à personne à part la personne dont on se moque au final. Mmh. Et comme la personne dont on se moque, qu'on s'en moque pour des bonnes raisons, bah au final, bon. Après, c'est bien qu'un film grand public comme ça aborde ces sujets qui sont bien dans l'air de temps et qui sont rarement évoqués avec autant de pognon. De pognon. Oui, ouais, surtout de sabots, quoi. C'est quand même assez. Ouais. Le film ne se cache pas de ses thématiques et les assène pendant deux heures non-stop dans tous les sens, quoi. Ouais. Et en même temps, ça n'empêche pas que t'as quand même un genre d'histoire un peu derrière. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, il y a pas des doubles niveaux de lecture et tout. Le niveau, il est clairement sur un niveau. Mais oui, je sais pas, moi, j'ai plutôt bien aimé le film. En vrai, Je pense que le film aurait pas existé tel quel il y a 5 ans, tu vois. C'est-à-dire que, c'est. Enfin, mais c'est ça qui est intéressant aussi au final. Enfin, pour rejoindre ce que tu disais, c'est le côté. C'est très actuel. C'est très. Puis non, mais au final, le côté, paradoxal même au sein des... Ouais. Il a fait un petit sourire encore quand j'ai dit paradoxal. Pas piqué d'un j'ai planté une graine dans ma tête. C'est le mot paradoxal. Mais non, mais en tout cas, merci beaucoup pour cette chronique. Très belle, merci à vous. On peut conclure là cette reboot. Ce soft reboot. J'aime bien le concept de soft reboot parce que c'est exactement l'ère dans laquelle on est. Exactement, ouais. Histoire de faire un truc qui... Voilà. Et... Non, mais c'est important que t'en aies parlé. C'est important. L'important, c'est d'avoir les idées claires comme voilà. Ça. Non, je vous remercie à ceux qui écoutent de nous avoir écoutés pour ce. Merci, maman. Et de. On remercie toute la famille, tous les 5 et nos 5 auditeurs. Et on reviendra avant 5 ans. On essaye de faire avant 5 ans prochain. On croise les doigts, on va tout faire pour et on espère avoir une plus grande régularité. Exactement. Et moi, j'ai beaucoup hâte de cette nouvelle formule où je demande aux gens de venir avec un truc écrit et les gens parlent et moi j'écoute et je réagis juste. Je pense qu'on va bien rigoler. Parfait. On va bien rigoler, qu'on aura de belles anecdotes, de belles chroniques. Exactement. Est-ce que vous avez un petit dernier mot avant? Est-ce qu'on se fait un tour de repos? Chasuble. Agathe. Je sais pas. C'est pas mal. Merde. Moi j'ai épithète. Épithète. Par d'autres peut-être. Non. Et bah vous savez retrouver les podcasts, machin. De toute façon, si vous l'écoutez, c'est que vous savez où il était. J'ai rien compris pourquoi les gens disaient ça à la fin des podcasts. Mettez 5 étoiles sur iTunes. Non, c'est Apple Podcast, on dit plus iTunes. Qu'à l'époque, c'est devenu Apple Podcast dans les 5 ans là. T'as un turbumeur exactement aussi. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Bye. Bonsoir à tous. Bonsoir. Depuis notre dernier épisode sur les blockbusters, c'était quand déjà? En l'an de grâce 2018. Exactement, juillet 2018. Il s'est passé 2-3 petits trucs, non? Le Covid. Ah, tu m'as niqué toute mon intro. Pardon. C'est pas grave. Je suis désolé. Tu veux qu'on recommence? Vas-y, on recommence. Il y a vraiment plein de blagues sur le fait que je parle pas du Covid. Il a niqué le podcast. J'ai niqué l'intro. Le Covid, non? C'est une musique. Clac. Ah ouais, d'accord. Ah, j'avoue que l'entendre, c'est autre chose que le... Ah, d'accord. Bon, j'arrête. C'est comme un bâillement. Oui, c'est ça. Je me réveille le matin. Ah ouais, d'accord. Que je ferme les portes de la fête. Non, c'est bon. J'ai un peu la voiture. Bon, William, reprends tout ça en main. Ouais. Démarre. Word be a word. Attends, je ferme mes onglets, je ferme mon mood board parce que devais travailler, mais j'ai pas fini mon travail. Je me suis concentré sur la contrebande. Les priorités. Sarek comme le film. C'est la reprise de la contrebande. Attends, parce que je sais pas si. La contrebande, on est là.